tous les caractères Angelina. Toi tout l'amour, tout ce beauté éclairé. Ouvrez tous les caractères Angelina. Toi tout l'amour, tout ce beauté peut briller. Dans les yeux, personne n'est parti capa résister pour amourer. Oui, mini fan, nous t'y l'a mis dans la main. Nous tous les détenus à bon idée. Je tout y ose et bien écouter qui va arriver. Mon capable, tiens pour coïncidence. Parce qu'il nous fin saisit la sens. Destination vers la salle matrimoniale. Mon capable, tiens nous dans la sens. Parce qu'il nous fin et la confiance. En décision pour un nouveau la vie familiale. Angelina, toi tout l'amour, tout ce beauté éclairé. Ouvrez tous les cœurs à terre, Angelina. Toi tout l'amour, tout ce beauté peut briller. Tout l'amour, tout ce beauté fait briller.